chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On est très, très heureux d'avoir l'instructeur-chef et choyé en même temps d'avoir l'instructeur-chef des Wildcats de Vancouver qui a été nommé la semaine dernière instructeur-chef, Marc DeSantos. Et pour l'entrevue, ben, j'ai décidé d'avoir mon acolyte Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Salut Benoît! Salut dans le Radio Sport et un grand salut à Marc DeSantos. Et on rejoint Marc DeSantos à Vancouver. Je vais me donner le privilège de la première question. Marc, dans ton plan de carrière d'instructeur, est-ce que tu étais vraiment rendu là ou vraiment c'est en avant de ton plan de devenir instructeur dans la MLS? Non, c'est sûr que c'était dans mon plan. C'était un objectif que j'avais depuis longtemps. Depuis que j'étais à l'Impact de Montréal en 2011, je sentais que peut-être je méritais de peut-être avoir une chance à monter avec l'équipe en MLS. Mais aujourd'hui, je comprends que peut-être j'étais pas aussi prêt que je pensais. Mais maintenant, tu sais, après beaucoup d'années, puis après beaucoup de clubs et beaucoup d'expériences, maintenant, je me sens prêt, puis maintenant, je sens que cette chance, elle arrive au bon moment. OK, Benoît, vas-y. Ben moi, Marc, j'ai une question à te poser aussi, parce que j'ai demandé à mes amis Facebook, ma page Facebook, de poser des questions, puis j'ai dit, je pris ça en note, j'ai dit, bon, je vais lui poser des questions. Tu parles de ton expérience que tu es rendu là, mais quand tu, avec la dernière année que tu as connue, justement, tu étais avec Bob Bradley, entraîneur du FC Los Angeles, comment tu as trouvé ton expérience? Parce que j'imagine que quand tu regardes le parcours de cet entraîneur-là, ça a dû te donner une bonne expérience cette année-là. Oui, c'est sûr. Bob, c'est un entraîneur qui a gagné la MLS. Déjà, il a gagné la Coupe des États-Unis. Il a coaché l'équipe nationale de l'Égypte. Il a coaché en Ligue 1 en France. Il a coaché en Premier League en Angleterre. C'est sûr que avoir eu la chance de travailler avec lui durant une année, d'être proche de joueurs top, de joueurs étoiles comme Diego Rossi, Carlos Vela, c'était important pour moi. C'était, je dirais, la dernière touche que j'avais besoin dans mon développement en tant qu'entraîneur. Mais c'est tout le temps en train d'apprendre. Je pense que oui, je suis arrivé maintenant à Vancouver. J'ai appris beaucoup dans les dernières années, mais je continue mon développement. Je veux aller encore plus loin. Je veux devenir le premier entraîneur canadien peut-être à entraîner une équipe en première division en Europe un jour, peut-être une équipe nationale. Tu sais, donc je vais pas arrêter ici. C'est pas mon style. J'espère faire beaucoup d'années ici. J'espère aider à construire un club ici. Mais je sais que je continue mon développement en tant qu'entraîneur et Bob Bradley a eu beaucoup d'influence sur moi et je suis content d'avoir eu la chance de travailler avec lui. Marc, si on parlait justement, tu as parlé des Wildcats de Vancouver, vous avez perdu Alphonso Davies qui est votre joyau, qui est votre diamant, qui est votre perle chez les Wildcats de Vancouver. Vous, je pense que c'était pas mal l'avenir des Wildcats. Comment on entrevoit ça du côté des Wildcats? Est-ce que pour le remplacement, est-ce qu'on va y aller avec des joueurs désignés, quoique le mercato en hiver, c'est toujours difficile, ou encore on va faire monter l'académie? Comment on t'entend bâtir ça? Regarde, c'est impossible de remplacer Alphonso Davies. Tu parles du joueur canadien qui a été vendu au Bayern de Munich. Si on parlait de ça 10 ans en arrière, tout le monde allait dire qu'on est fou. Un joueur canadien vendu au Bayern de Munich, ça allait jamais arriver. Mais maintenant, le soccer a développé beaucoup en Amérique du Nord, a développé beaucoup au Québec. Et maintenant, tu vois que c'est possible. Ça peut arriver avec Afonso, ça peut arriver avec d'autres. Mais c'est impossible que j'aille maintenant au mercato d'hiver c'est juste aller remplacer Alphonso Davies avec un autre joueur comme lui, parce que lui était très jeune, il était ouais. ici, il avait grandi ici, il était très spécifique en tant que joueur. Moi, je me concentre sur remplacer un joueur comme ça sur le collectif, de bâtir une équipe qui est forte, une équipe qui n'est pas dépendante d'un ou deux gars. Donc, je me concentre sur le mercato, sur comment on peut aller chercher deux ou trois ou quatre joueurs qui vont améliorer le collectif pour faire oublier Davies. Mais si je me concentre à aller essayer de remplacer joueur pour joueur, ça serait un peu injuste pour le joueur ouais. qui arriverait ici. Seulement si je serais capable de le faire avec... avec une étoile mondiale comme William de Chelsea, c'est un exemple comme ça. Mais ça, c'est pas possible. OK. Benoît? Ben, en lien avec les Wildcats, justement, je lisais justement un article qui disait que tu voulais avoir un secteur de dépistage. Bon, par rapport à ça, comment tu vois ça? En même temps, tu parlais de ton frère Philippe de Santos qui pourrait peut-être venir te trouver aussi. Il est peut-être en contrat aussi. Puis par rapport avec les Whitecaps, connaîtras-tu pas mal le profil des joueurs qui sont déjà en place avec les Whitecaps? C'est un peu ça en lien avec les Whitecaps, mes questions, non? Non, c'est une bonne question. Regarde, la première chose pour moi, beaucoup de personnes m'ont demandé la question de qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent de Alphonso Davies. Est-ce que on allait prendre tout l'argent qu'on a fait dans la vente d'Alphonso puis le mettre tout dans les joueurs? Moi, je pense que c'est une erreur faire ça. Moi, je pense que le club a besoin de bâtir des fondations. Au niveau du recrutement, c'était assez lousse. Et ça, c'est un problème dans beaucoup d'équipes de la MLS. C'est pas juste un problème avec les Wildcats. Donc, moi, une des choses que je veux faire, c'est je veux engager un head scout, quelqu'un qui va être responsable pour tout le département de dépistage, qui va voir les profils qui sont en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qui puisse aider notre équipe à gagner. Mais la première chose que tu dois faire, c'est avoir un modèle de jeu très, très défini. Parce que si tu n'as pas un modèle de jeu, ben tu recrutes qui? Ouais. C'est qui que tu recrutes? C'est qui que tu regardes? Tu as besoin d'avoir en premier un modèle de jeu dans le club qui est très, très bien défini. Puis ça, c'est la première chose que je veux définir. Aujourd'hui, je me rends compte avec tous les entraîneurs de l'académie pour leur présenter le modèle de jeu que je veux apporter. Parce que après, quand tu as un modèle de jeu qui est très défini, mais c'est ça qui contrôle tout le club, c'est ça qui contrôle le recruteur, c'est ça qui contrôle l'entraîneur. C'est plus facile d'évaluer l'effectif que j'ai ici, puis de dire, OK, j'ai 25 joueurs. Des 25 joueurs, c'est qui a le profil que je veux en relation au modèle de jeu que je veux. Donc, ça devient pas personnel, ça devient que professionnel. Des fois, il y a un joueur qui peut être très bon pour la façon que l'Impact de Montréal joue, par exemple, puis peut ne pas être bon pour la façon que moi, je veux jouer ici ou vice-versa. Donc, tu dois avoir un modèle de jeu très bien défini, puis tu dois avoir un plan dans le recrutement qui va être lié au modèle de jeu, puis c'est ça que je veux apporter. Marc, c'est pas justement la planche de salut des équipes comme les Wildcats, comme l'Impact à Montréal également, parce que là, la MLS grossit d'année en année, il y a des grosses villes qui s'en viennent, Miami s'en vient, tu joues dans la division où il y a deux clubs de Los Angeles, t'as le New York, t'as Atlanta. Ça devient de plus en plus difficile pour des petits marchés comme Montréal et Vancouver. J'oublie Toronto parce que Toronto, c'est une autre ligue. Est-ce que le plancher de salut, c'est justement ça, le recrutement et l'académie, justement? Oui, t'as deux choix. Ouais. Puis vous posez des bonnes questions. Ah, on est... Vous posez des bonnes questions. On est en région, mais on n'est pas signé, je veux ça. Non, j'ai jamais dit ça. C'est des bonnes questions. Ouais. T'as deux choix. Okay? Tu arrives dans un marché comme Vancouver puis au Montréal, puis tu pleures, puis t'es tout le temps en train de parler de qu'est-ce qu'Atlanta investit, qu'est-ce qu'elle a investi, qu'est-ce que Miami va investir. Ouais. Ou t'es fort dans ton caractère, puis tu te dis, OK, comment que je vais maximiser qu'est-ce que j'ai ici. Il y a beaucoup d'histoires dans le monde de petites équipes ou de marchés plus petits, mais à cause de leur organisation, à cause de leur vision, ils réussissent à se battre d'une façon compétitive avec les marchés les plus grands. Okay? Puis les deux choses que les marchés plus petits, en mon opinion, doivent faire, c'est d'essayer de bâtir le meilleur staff de recrutement. Ouais. Ça, c'est des choses que les marchés qui ont beaucoup d'argent, ils regardent pas avec tellement d'attention parce qu'ils peuvent prendre 15 millions de dollars puis aller acheter un joueur en Argentine. Fait que nous, c'est une des choses qu'on veut faire. Regarde, moi, je vais me rencontrer avec des head scouts du FC Porto, de Benfica, du Bayern de Munich, pour apprendre avec eux, pour voir s'ils ont des noms qui peuvent devenir head scouts ici, comment on va bâtir notre équipe ici. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, pour que on va dire que, OK, j'ai pas 10 millions de dollars pour un joueur, mais j'ai 1 million, mais peut-être qu'avec un bon travail de dépistage, je peux aller chercher un joueur d'un million qui va devenir un joueur de 10 millions un jour. C'est sûr, c'est sûr. Puis l'autre côté, c'est vraiment investir dans l'académie, avoir une très bonne connexion avec le directeur technique, faire que tous les entraîneurs de l'académie se fassent respecter et sentent qu'ils font partie du projet. Et moi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé. Aujourd'hui, j'ai une réunion toute l'après-midi avec les entraîneurs de l'académie ici. Donc, c'est quelque chose que je prends pas à la légère. Effectivement. Benoît, vas-y. Un peu en lien en général avec la MLS. Marc, situe la MLS dans ton expérience. Tu t'es promené un peu partout aux États-Unis, un peu aussi. Tu es allé au Brésil. Je me souviens que le lendemain que tu es venu à Alma, tu partais au Brésil. C'était ta run au Brésil. Situe la MLS à quel niveau quand tu regardes la planète foot, si tu veux un peu? Comment tu vois ça? Ça grandit beaucoup. Pour moi, au niveau des stades, des publics, du marketing, ça doit être probablement dans le top 6 au monde, facilement dans le top 6-7 au monde. T'as peut-être la Premier League, la Bundesliga, la Ligue mexicaine, Serie A en Italie et la Première Ligue en Espagne, mais après ça, la MLS, elle est là. Au niveau des joueurs, la MLS est en train de devenir un peu plus flexible avec maintenant la rentrée du TAM, du GAM. C'est pas seulement la différence entre les joueurs d'été et les joueurs de première année en MLS. Elle se rapproche de plus en plus. Donc, c'est une ligue qui grandit beaucoup. Pour que la MLS, pour moi, donne le prochain pas en avant, ça serait bien qu'une équipe de la MLS maintenant gagne une Ligue des champions de la CONCACAF. Effectivement. Ça n'a jamais été fait, mais Toronto a été très, très proche en perdant dans les tirs en fusillade au Mexique l'année passée. Donc, je pense que la MLS, en mon opinion, au niveau foot, marketing public, ça, si tu mets tout le package ensemble et tu regardes pas seulement les joueurs, ça doit être dans le top 10 au monde. OK. Marc, il y a une question que j'ai dit souvent que l'impact, et là avec Rémi Garde, ça semble vouloir changer, l'impact doit miser sur le marché francophone parce qu'il y a beaucoup de joueurs francophones qui je parle entre autres en Afrique, en France et ainsi de suite. L'impact est la seule destination possible pour les joueurs francophones qui pourraient être intéressants. À Vancouver, il y a beaucoup de mandarins, il y a beaucoup d'asiatiques, beaucoup de chinois. Est-ce que ça, c'est un marché qui pourrait être intéressant pour les Wildcats? Ouais, mais c'est drôle, tu sais, parce que je vais répondre à ta question d'une façon un peu plus générale parce que j'ai grandi à Montréal, je suis de Montréal, mais j'ai vécu dans beaucoup de villes, comme vous savez, dans beaucoup de places. Puis j'ai réalisé que Montréal, c'est super multiethnique. C'est vrai qu'on parle beaucoup des francophones puis tout ça, mais Montréal, pour moi, devrait être une équipe que il y a des joueurs de partout au monde. Parce que c'est ça, Montréal. Montréal, il y a du monde de partout. Okay. Mais en parlant des joueurs chinois, moi quand je vivais puis c'est un peu une anecdote, tu sais, je veux pas que ça soit vu d'une façon raciste là, qu'est-ce que je veux dire, mais le monde qui me connaît savent que je suis pas de même, mais moi des fois je pensais à ça à San Francisco, je disais hey, ça serait bon que San Francisco ait un joueur chinois, tu sais. Ouais. Mais après, je réalisais, les Chinois, ils travaillent de 6h du matin à 10h le soir. Tu sais, tout le quartier chinois, ils travaillent tout le temps. Après, je me suis dit, OK, mais même si c'est un joueur chinois, ils vont pas au stade, tu sais. Ouais. C'est quand même assez... non, mais c'est des produits dérivés. C'est de la vente de produits dérivés. C'est de la vente... Chaque fois que j'allais au quartier chinois à San Francisco, de lundi à dimanche, ça travaillait tout le temps, tu sais. Je disais, OK, même si j'avais le meilleur joueur chinois de l'actualité, est-ce qu'il viendrait au stade? Ça, c'est un apport, mais c'est sûr qu'à Vancouver, tu sais, avec la MLS, il y a beaucoup de de Coréens du Sud. Vancouver, une année, il avait YP Lee. YP Lee, c'était le meilleur joueur de tous les temps en Corée du Sud. Okay. Ouais, puis lui a tellement aimé vivre à Vancouver puis jouer à Vancouver qu'il habite à Vancouver en ce moment. Okay. Il a tellement aimé Haïti qu'il habite ici en ce moment. Fait que je te dirais que c'est sûr que c'est un marché que je regarde. Puis pour être très honnête avec toi, en ce moment, je suis en train de voir un milieu de terrain qui m'intéresse beaucoup du championnat de la Corée du Sud. Ah, ben. Mais pour être clair avec ça, je le fais pas à cause que il y a beaucoup de Coréens ici ou beaucoup de Chinois. Je le fais parce que j'ai tout le temps été clair dans ma conférence de presse. J'ai tout le temps été comme ça. Moi, j'ai un réseau de contacts qui est très international, qui regarde partout. Puis moi, je cherche les meilleurs joueurs possibles, indépendamment d'où ils sont. Mm. S'ils sont chinois, australiens, l'Amérique du Sud. Je m'en fous un peu de ça, pour être honnête avec toi. Mais c'est tout le temps un bonus quand tu sais que dans ton marché, il y a beaucoup de mandarins. C'est sûr que c'est un bonus. Oui, effectivement. Mais Benoît, on va y aller avec une dernière question. J'avais dit à l'attaché de presse des Wildcats que ce serait maximum 15 minutes, puis on a dépassé. Fait que vas-y avec ta dernière question. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. OK, vas-y, Benoît. Okay. Ouais, écoute, hey, pour les fois qu'on peut avoir, Danny, un entraîneur de la MLS, c'est tout qu'un honneur. Marc, sérieusement, au Lac-Saint-Jean. En tout cas, moi, personnellement, puis j'ai même dit à... J'ai partagé sur Facebook, on avait eu un petit reportage de Radio-Canada, puis je l'ai partagé, je l'ai diffusé en 2011, puis il est venu à Alma, ce gars-là, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Puis il n'y a pas eu grand entraîneur au niveau du Québec, au niveau des autres sports, au hockey, même, qui sont venus dans la région du Lac-Saint-Jean. Peut-être était moins connu quand même, mais moi, je le connaissais déjà, mais moi, je veux revenir un petit peu avec l'impact, tu sais, est-ce que tu fais un comparatif pas mal avec l'impact? Bonne bière. Oui, on a de la grosse bière. Danny, on avait fait un cadeau à Marc en fin de conférence sur la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Marc était parti avec ça un peu. Donc, je veux demander au niveau de l'impact, quand tu compares un peu avec Vancouver, est-ce que l'organisation est semblable? Parce que tu as connu un peu l'impact, pas dans la MLS, là, mais est-ce que, peut-être, ça c'est une question d'un ami sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que Joey Saputo prend peut-être un peu trop de place avec l'impact? Comment tu analyses ça un petit peu, là? Non, je suis content d'avoir sorti de l'impact, puis sortir puis dire aujourd'hui que Joey puis Nick DeSantis, c'est des amis à moi. Tu sais, je suis content de, c'est pas toujours facile de sortir à bien des clubs parfois quand tu sors, mais je suis content de sortir. Joey et Nick, c'est des amis à moi. On se parle. On a une bonne relation, puis je pense que ça, c'est important. Il y a des similarités, ouais. Greg Kerfoot veut gagner. Joey Saputo veut gagner. Peut-être il l'exprime de façon différente, mais au niveau de la pression, même des fans, j'ai réalisé que les clubs canadiens, ils mettent la bonne pression sur les entraîneurs. Ils veulent gagner. Ils veulent avoir du succès. Ils sont passionnés, puis ça, je l'ai vu un peu moins. Par exemple, dans un club comme Sporting Kansas City, je l'ai jamais senti à l'entour du club, tu sais, les owners, ou est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, ben ça dépend vraiment. Il y a des choses de bien, des choses de mauvais. Moi j'aime okay. ça, sentir que je suis dans un club que tout le monde veut gagner, sentir que je suis dans un club qu'il y a la pression pour gagner, ils veulent m'aider à gagner. Tu sais, comme on dit en anglais, to be in a club that cares, tu sais. Puis moi, je suis content d'être dans une place de même. Puis je trouve que Montréal et Vancouver, ils ont cette culture-là semblable. Mais après, c'est un peu différent, tu sais. Vancouver, c'est plus anglophone et Montréal, plus latin. Les latins sont un peu plus chauds, je dirais, tu sais. Mais bon, c'est il y a des choses semblables, je dirais, dans les deux places. OK, OK. Les deux ont une académie. Okay. Les deux ont une académie définie. Les deux, ils croient et essaient de travailler le mieux possible avec l'académie puis faire monter des joueurs. Donc je vois beaucoup de similarités, ouais, mais c'est un peu différent. Bon. Ben, Marc, dernière question. Un ami qui m'a demandé, tu lui demanderas d'échanger Kay Camara contre Matteo Mancosu. Camara qui a fait longtemps mal à l'Impact, effectivement. Ben, Marc, c'est très intéressant. Tu remercieras les gens des Wildcats de Vancouver parce que, honnêtement, là, ça a été facile de t'avoir en entrevue. J'aimerais ça que d'autres organisations qui ont du développement à faire en région le fassent. Les Wildcats n'avaient rien à cirer de t'avoir en entrevue, de me donner en entrevue, puis j'aimerais ça que tu remercies beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, j'oublie pas d'où je viens. C'est ma province, le Québec. C'est une province qui m'a aidé comme entraîneur, qui m'a fait grandir, que j'ai appris beaucoup. Donc, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Non, ben effectivement. Marc DeSantos, l'actuel entraîneur des Wildcats de Vancouver. Benoît, un gros merci. Salut, de ça parle. Voilà.